besoin de moi, sur moi tu peux compter. Je serai pour toi l'oreille à qui parler. Tu es mon ami et tu peux te confier. Dans mon jardin secret, seul toi peux y entrer. Mon ami, mon seul ami. C'est toi, c'est tout.